Thank you. New door, a new day for you and for me. New door, new day. Situation.

Days. Nights. What I need is over. What I need is sur la plage abandonnée. Des coquillages, des crustacés. Sur la plage abandonnée. I will surely die. Bye. Edition. Les relations d'emprise se développent. Try again. Be yourself. Comme tout le monde. Écrasé par la...